La jeune indienne n'avait pas eu conscience de ce qui s'était passé. Enveloppée dans les couvertures de voyage, elle reposait sur l'un des cacolés. Si le rétablissement de la jeune indienne ne fit pas question dans l'esprit du brigadier général, celui-ci se montrait moins rassuré pour l'avenir. Il n'hésita pas à dire à Phileas Fogg que si Mrs. Aouda restait dans l'Inde, elle retomberait inévitablement entre les mains de ses bourreaux. Phileas Fogg répondit qu'il tiendrait compte de ses observations et qu'il aviserait. Vers 10 heures, le guide annonçait la station d'Allahabad. Là, reprenait la voie interrompue du chemin de fer, dont les traits franchissent, en moins d'un jour ou d'une nuit, la distance qui sépare Allahabad de Calcutta. Phileas Fogg devait donc arriver à temps pour prendre un paquebot qui ne partait que le lendemain seulement, 25 octobre à midi, pour Hong Kong. La jeune femme fut déposée dans une chambre de la gare. Passepartout fut chargé d'aller acheter pour elle divers objets de toilette, robes, châles, fourrures, etc., ce qu'il trouverait. Son maître lui ouvrait un crédit illimité. Passepartout partit aussitôt et courut les rues de la ville. Mais il ne trouva que chez un revendeur, vieux juif difficultueux, les objets dont il avait besoin. Une robe en étoffe écossaise, un vaste manteau et une magnifique pelisse en peau de loutre. Puis, tout triomphant, il retourna à la gare. Mrs. Aouda commençait à revenir à elle. Cependant, le train allait quitter la station d'Allahabad. Le Parsi attendait. M. Fogg lui livra son salaire au prix convenu, sans le dépasser d'un farthing. Restait la question de Kiouni. Que ferait-on d'un éléphant acheté si cher? Mais Phileas Fogg avait déjà pris une résolution à cet égard. « Parsi, dit-il au guide, tu as été serviable et dévoué. J'ai payé ton service, mais non ton dévouement. Veux-tu cet éléphant? Il est à toi. » Les yeux du guide brillèrent. « C'est une fortune que votre honneur me donne » s'écria-t-il. « Accepte, guide, répondit M. Fogg, et c'est moi qui serai encore ton débiteur. » Quelques instants après, Phileas Fogg, Sir Cromartie et Passepartout, installés dans un confortable wagon dont Mrs. Aouda occupait la meilleure place, couraient à toute vapeur vers Bénarès. Pendant ce trajet, la jeune femme revint complètement à elle. Quel fut son étonnement de se trouver sur le railway, dans ce compartiment, recouvert de vêtements européens, au milieu de voyageurs qui lui étaient absolument inconnus. Puis le brigadier lui raconta son histoire. Il insista sur le dévouement de Phileas Fogg, qui n'avait pas hésité à jouer sa vie pour la sauver, et sur le dénouement de l'aventure, dû à l'audacieuse imagination de Passepartout.